Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 88. De la connaissance des êtres immatériels. Impuissance de notre âme dans la connaissance des substances immatérielles, rien sans image, que Dieu n'est pas l'être qui nous est connu avant tout. 1. L'âme humaine, ici-bas, peut-elle comprendre les substances spirituelles? Dans le système de Platon, les substances immatérielles seraient nos premières connaissances, les objets propres de notre esprit. Mais il est certain que, sur ces terres, notre intelligence se rapporte naturellement aux choses matérielles, et l'expérience, en effet, elle a pour nous prouver qu'elle ne comprend rien qu'à l'aide d'images sensibles. Ne croyons donc pas que nous puissions percevoir directement et par elles-mêmes les substances spirituelles, qui ne tombent pas sous les sens, et que notre imagination ne saurait se représenter telles qu'elles sont. Note. Néanmoins saint Augustin a pu dire que, comme l'esprit acquiert la connaissance des choses corporelles par les sens, il acquiert de même celle des esprits par lui-même. La science de l'âme est effectivement le principe d'où il faut partir pour arriver à la connaissance des esprits, mais on ne saurait nier que nous connaissons ce qui est corporel avant ce qui est spirituel. Fin de la note. 2. Notre intellect peut-il par la connaissance des choses matérielles parvenir à comprendre les substances spirituelles? Notre entendement aura beau abstraire de la matière l'essence des choses matérielles, il ne parviendra jamais à en faire sortir quelque chose de semblable à la substance immatérielle. Qu'il s'élève, par ce procédé, à une certaine notion des substances spirituelles, j'y consens, mais il n'en acquerra point une connaissance parfaite. Entre les corps et les esprits il n'y a ni identité, ni aucun point de rapport, les similitudes fournies par l'ordre matériel seront toujours très insuffisantes pour nous donner la notion du monde spirituel. Note. L'âme humaine, qui se connaît par son acte, qui se démontre à elle-même sa vertu et sa nature, ne nous donne pas une idée parfaite des substances angéliques, elle n'a pas leurs propriétés. Fin de la note. 3. Dieu est-il le premier objet connu par l'âme humaine? Personne, dit saint Jean 1:18, n'a jamais vu Dieu. Si l'intelligence humaine ne perçoit pas les êtres spirituels, elle comprend encore moins la substance éternelle et incréée. Les premiers objets que nous connaissons en cette vie, ce sont les créatures matérielles, et par elles nous arrivons à la connaissance de Dieu, comme nous le marquent ces paroles de saint Paul. Les perfections invisibles de Dieu nous sont devenues intelligibles par les choses qu'il a faites. Romains 1:20. Puisque nous ne connaissons Dieu que par les créatures, il n'est pas le premier objet connu de notre âme. Note. Il est vrai que nous connaissons toutes choses dans la lumière de la vérité première, et que par elle aussi nous jugeons de tout. Il est indubitable encore que Dieu est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Que faut-il en conclure? Que, Dieu est le premier objet connu de nous. Non, mais simplement que la lumière divine est le moyen par lequel notre intelligence connaît. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.